Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Deux entrevues qui ont été diffusées hier sur les ondes de danadosport.com. La patineuse de vitesse sur contre-piste Cassandra Baudette est revenue sur sa décision. Une décision quand même plutôt audacieuse. Elle et Samuel Girard qui ont annoncé leur retraite du patinage de vitesse sur contre-piste. Et dans un premier temps, elle mentionne que ça fait pas tellement longtemps que Cassandra Baudette pensait à prendre sa retraite. Non, parce que en réalité, l'an dernier, quand je suis revenue après le jeu, j'avais vraiment dans l'optique de d'embarquer dans le prochain cycle, non à la fois, mais c'était aussi dans l'optique de me rendre jusqu'au jeu. Okay. Donc, j'avais pas vraiment en arrière-pensée, je pensais pas que j'allais terminer ma carrière. Puis, tu sais, ça a été un peu, tu sais, ça a été pas une surprise parce que, tu sais, là, elle vient me penser, je pense que c'était quand même évident. J'avais réalisé un rêve. Puis, tu sais, avec la carrière que j'ai vécue, ça a fait autant avec mon entraîneur au niveau des blessures, la fatigue, l'horaire peu flexible qui était, ça, j'étais toujours frustrée de tout ça. J'avais souvent des frustrations que je mettais un peu, tu sais, que je ravalais, puis finalement, ben, tu sais, là, avec tout ce qui s'annonce, nos projets à 5-6 mois, mes projets académiques à moi, ça fait en sorte que, tu sais, ça faisait plus en balance pour que j'arrête. Fait que ça a vraiment pris, je pense, tu sais, la bulle des jeux a éclaté, puis c'est ça que ça prenait pour me faire prendre compte de bien des choses. Dans un deuxième temps, Cassandra Baudette mentionne que qu'elle et son conjoint Samuel Girard ont toujours tenté d'avoir des intérêts et ne pas tomber dans la robotisation et que des athlètes deviennent comme des robots. La robotique a arrêté tout ce qui est autour pour se focaliser seulement sur l'entraînement, ça fait en sorte que ça fait des personnes déséquilibrées. Quand tu prends ta retraite, ben, t'sais, nous, on s'est battu samedi, moi, justement, pour avoir un équilibre dans notre vie, de garder un tel école, d'avoir des intérêts personnels, puis d'avoir la conviction de les garder. Tandis que des fois, tu finis par t'oublier, puis quand tu reviens sur le... Tu deviens juste la personne, puis que l'athlète fait plus partie de ta vie, ben, c'est difficile de se retrouver là-dedans. Dans un dernier temps, Cassandra Baudette mentionne que c'est possible d'être moins rigide et de performer autant, explique la patineuse athlète de Saint-Félicien. Oui. Oui. Totalement. OK. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Des fois, on chicane pour quelques jours de congé, pour... Tu sais, surtout pour les gens qui viennent d'ailleurs, pour les gens de la région. Nous autres, on a un beau centre d'entraînement à Chicoutimi auquel on a accès. Fait que, tu sais, d'avoir 4-5 jours de plus à Noël, là, ça ferait rien pour nous autres. Tu sais, c'est des petites choses comme ça à travers les années qui auraient pu. Parlons de soccer à Dolbeau-Mistassini. L'association de soccer de Dolbeau-Mistassini était sur les ondes de danadosport.com hier pour parler de la prochaine saison. Et malgré l'arrivée du deck hockey, ben, le soccer se porte toujours bien à Dolbeau-Mistassini, explique Patrick Tropiano. Ben, au niveau du nombre d'inscriptions, on a pas mal le même nombre d'inscriptions que l'année passée, l'été. Okay. Donc, on est pas mal stable. Puis, je te dirais qu'on est pas mal à capacité maximale comme ça aussi, avec les infrastructures puis le personnel qu'on a présentement. Est-ce que c'est difficile de trouver? Patrick Topiano mentionne qu'un nouveau système temporaire et à l'essai fait en sorte que le terrain de la polyvalente Jean-Dolbeau va être éclairé cette année. On a eu de la pression de l'ARS d'un côté, oui, parce qu'ils nous disent que l'ARS, souvent, ce qu'ils disent, c'est que le terrain au Parc Lyon est pas sécuritaire pour avoir des matchs seniors, surtout de la catégorie senior. Donc, il faut qu'on se déplace sur le match à Jean-Dolbeau, sur le terrain à Jean-Dolbeau pour jouer les matchs seniors. Puis, le terrain à Jean-Dolbeau n'est pas éclairé. C'est que cette année, on a trouvé un système là pour l'éclairer pour cette année, mais c'est sûr que l'idéal, ça serait d'avoir des lumières. On appréhendait beaucoup le deck hockey à Dolbeau-Mistassini, mais non seulement il n'y a pas eu de baisse d'inscription, ce qui a trait les inscriptions de membres au niveau du soccer, mais il y a même une collaboration entre les deux organismes, explique Patrick Topiano. On appréhendait un peu le deck hockey. Ouais. Non, ça nous a pas fait de mal. On a des joueurs, moi que je sais, puis des entraîneurs aussi qui jouent avec nous, puis qui jouent au deck hockey. C'est que c'est la preuve que les deux peuvent bien se faire ensemble. Puis, je te dirais que ce ce qui a bien fait aussi, c'est que je sais que les gens du deck hockey nous ont écrit pour qu'on s'ajuste au niveau des horaires avec eux autres pour voir, tu sais, pour pas qu'on soit dans les papes. Puis je trouve que c'est, tu sais, c'est bien de collaborer comme ça entre les sports à Dolbeau-Mistassini, parce que ce qu'on veut au fait, c'est offrir le plus de sports possible à nos jeunes ou moins jeunes. Ouais. Ou jeunes adultes. Puisqu'il est question de hockey à Saint-Prime, il y avait des matchs hier qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, victoire de 8-7 pour la formation des Beavers contre les Kids. Pour les Beavers, faites à noter que Rémi Langevin, 3 buts, 2 passes, le même que Patrick Benneau. 1 but, 3 passes pour Kevin Gagnon et Carl Tremblay marqué 1 but, 2 passes. Pour les perdants, 2 buts pour Jordan Girard, de même que Antoine Gagnon. Et dans l'autre match qui nous intéressait aussi, faites à noter, victoire de 4-3 pour la formation des Canes contre les Eagles. Pour les Canes, à noter que 3 buts pour Frédéric Noël. Et pour les perdants, c'est Simon Petitguet qui a marqué 2 buts dans la défaite. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Patrick Topiano de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Également, je me suis entretenu aussi avec Cassandra Bradette qui a annoncé sa retraite hier du monde du sport. Sport local et régional à danradiosport.com. À son équipe.